Thank you.

Sur Pink Floyd. We are... Il est parti, Mike? Thank you. We are another break in a war. Another break. Avec mon accent de merde. Bon, on s'en fout, je vous la fais en français si vous voulez. We are. Day. Nous n'avons pas besoin d'éducation. C'est nul en français. Leave me in the dark. breaking out of war. Thank you.